Génération Manga, épisode 502. Et c'est la dernière du mois de novembre. Et oui, demain, on est en décembre. Alors, on va vous préparer un petit programme du feu de Dieu pour Noël et toutes ces sortes de choses. Hein, vous savez, le mois de décembre. Oh, on aura bien des MP3 et des musiques adéquates pour fêter dignement Papa Noël. Bon, alors, en attendant, un petit film qui pourrait être sympathique de regarder pendant Noël et compagnie, hein, si ce n'est déjà fait, c'est La Dernière Licorne. Alors, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois à la radio parce qu'on a passé le générique. Hein. Vous savez que la chanson était sortie chez AB Productions et interprétée par notre ami Corinne Sauvage, donc alias Kaline, hein, celle qui chante en duo avec Bernard Minet sur J'ai le pouvoir et sur la chanson de Chira aussi. Voilà, je vous avais déjà dit, mais j'en profite pour vous le rappeler, que j'avais déjà essayé de rentrer en contact avec Corinne Sauvage et j'y avais réussi, mais elle ne désirait point être interviewée pour parler de ses années à B. Alors, à mon grand désarroi, malheureusement, elle ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet, c'est bien dommage. Alors, sachez qu'elle a quand même une actualité, hein. Elle continue à chanter avec un groupe, elle fait des tournées, tout ça. Mais bon, voilà. J'aurais bien aimé qu'elle vienne nous en parler, parce que vous savez comment on est à Génération Manga, on n'est pas sectaire. Je veux dire, je l'aurais interviewé pour ses années AB, mais elle aurait effectivement parlé du reste, de ce qu'elle avait fait avant, après, pendant, maintenant, et tout le tralala. Mais bon, donc si elle me dit pas ce qu'elle fait, bah, je peux pas le dire, donc du coup, je peux pas lui faire promo. C'est pas aussi compliqué que ça, hein. Ouais, c'est dur. Bon. Alors, je vous en ai parlé souvent, La Dernière Licorne. Ça faisait longtemps que je l'avais, mais j'avais jamais pris le temps de regarder le film, en fait. Et pourquoi ? Parce que ça, c'est typiquement le genre de choses que j'ai pas envie de regarder tout seul. Donc voilà, ça m'inspirait pas des masses. Alors donc, hier, j'ai enfin regardé. Et donc, j'étais agréablement surpris, déjà par la voxographie qui règne sur ce film. Parce qu'on a plein de bonnes voix que nous connaissons qui officient dessus. Alors, La Dernière Licorne himself est interprétée donc par Maïk Dara. Donc, vous savez, c'est la voix de Monica dans Friends, de Whoopi Goldberg, qui était venue aussi à la CGC, qui fait plein d'autres trucs. Elle fait aussi la voix de la monture de Fao dans BTX, donc l'autre œuvre de Masami Kurumada. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Thierry Ragnaud qui officie donc sur Le Magicien, personnage donc qui aide la licorne. Il y a Rita Leccio aussi. Rita Leccio, c'est celle qui fait Umuro dans les Mystérieuses Cités d'Or, ou qui faisait encore dans Madame est servie la mère donc de Samantha. Et donc la belle-mère de Jean-Pierre, voilà. Et pour la petite histoire, Rita Leccio, elle est aussi officier dans La Folie des Grandeurs, puisqu'elle doublait le perroquet. Ouais, c'est César qui m'envoie. Ouais, grossier personnage. Donc, tu vois, donc elle était toujours prise d'ailleurs pour faire des petits perroquets, des trucs comme ça, on pouvait compter sur elle. Bizarrement, c'est pas elle qui fait Pichou dans la Cité d'Or, comme quoi. C'est César qui m'envoie. Donc, elle fait la sorcière, tout ça. Alors, je vous raconte vite fait un petit peu le topo. On a aussi Vincent Ropion qui est sur le doublage, hein, qui fait donc le prince. Et donc, en fait, La Dernière Licorne, elle est toute seule sur son étang, dans sa forêt, tout le tralala, et elle tombe sur un papillon qui chante des chansons un peu bizarres. Et elle lui demande s'il a déjà vu d'autres licornes, quoi. Et lui, il dit ah ben non, il y a plus de licornes parce qu'elles ont été chassées autrefois par le taureau de feu qui les a obligées à se rendre dans un endroit spécifique. Donc du coup, elle va quitter sa forêt à la recherche d'autres licornes. Elle va donc tomber sur Mamie Bonaventure, donc une espèce de sorcière qui capture des êtres magnifiques, des animaux fabuleux, du moins. Elle essaie. Donc, elle a capturé qu'une licorne en vrai et une harpie. Et les autres animaux qu'elle a, en fait, ce sont des animaux tout à fait normaux, même un peu vieillissants. Et elle donne l'illusion aux gens que ce sont des êtres fantastiques et un bestiaire fabuleux. Et donc, avec elle, il y a donc le fameux magicien qui va finalement l'aider à s'en sortir. Il va délivrer la licorne et donc lui permettre de continuer son chemin et de trouver peut-être les autres licornes. Et alors, ce qui est bizarre, c'est que la harpie donc est délivrée à un moment et elle bouffe littéralement la sorcière. Bon, alors on le voit pas franchement, mais je trouve que ce passage est un petit peu légèrement malsain pour les enfants. Je sais pas, c'est un peu spécial. Je sais pas si j'avais regardé ça enfance, j'aurais pas été un peu impressionné par le truc, parce que l'harpie, elle fout vraiment les jetons, elle est vraiment moche, hein. Donc on la voit pas franchement bouffer la sorcière, mais on comprend bien que c'est ce qui se passe quand même. Donc bref, donc ils continuent leur chemin, ils tombent après donc sur une espèce de voleur qui est dans la forêt, et puis il va s'avérer que la femme du voleur va devenir leur nouveau compagnon pour pour continuer leur route jusqu'à ce qu'ils arrivent au château du méchant roi. Et là, on apprend en fait que c'est lui qui a fait un petit peu prisonnier les licornes, parce qu'en fait, le taureau de feu les rabattait vers lui parce qu'il aime rien, ce roi. Et la seule chose qui lui fait un peu de plaisir et qui lui donne un peu de bonheur, c'est de regarder les licornes qui sont en fait coincées dans la mer qu'il y a au pied du château. Et donc du coup, donc parallèlement à tout ça, il y a le magicien qui est un peu gauche, qui essaie de balancer des pouvoirs au hasard, sans trop savoir ce qu'il fait. Et l'un de ses tours de magie va faire en sorte que la dernière licorne devienne une humaine. Et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir tomber amoureuse du prince et tout ça. Et puis, qu'est-ce qui va se passer après? Je vais pas vous le dire, parce qu'il faut quand même que vous le regardiez, il n'y a pas de raison. Donc voilà, est-ce qu'elle va s'en sortir? Est-ce qu'elle va redevenir licorne? Est-ce qu'elle va délivrer les autres licornes? Est-ce qu'ils vont arriver à vaincre le taureau de feu, le méchant roi et toutes ces sortes de choses? Je ne sais pas. Ah, c'est à vous de voir. Donc la dernière licorne, sachez que c'est sorti en DVD. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez le trouver relativement facilement. Évidemment, si vous allez demain à la FNAC et que vous le cherchez dans les rayons, je doute que vous le trouviez. Donc il va falloir faire des recherches un petit peu plus poussées, mais bon, c'est jouable. Donc à l'époque, il y avait donc eu un générique. Alors je ne me demandais pas, parce que je ne sais pas, mais j'imagine que sûrement cette chanson était accolée au dessin animé à l'époque, mais ce n'est pas le cas sur le DVD. Sur le DVD, vous entendez que les chansons, il y a quelques chansons de temps en temps en anglais, pas traduites. Et donc j'imagine que celle de début avait été remplacée donc par la fameuse chanson de la dernière licorne qu'on va s'écouter maintenant. Voilà, donc la dernière licorne interprétée par Corinne Sauvage. Voilà, la dernière licorne. Alors, il y a bien entendu une autre chanson en face B que je vous ferai peut-être découvrir, un de ces quatre, si vous êtes sages. Eh oui. Alors, l'autre petite chose que je voulais vous parler un petit peu, c'est des reprises de génériques d'AB Productions. Vous savez qu'ils se foulent pas trop AB. Et que les trois quarts du temps, ils reprennent des trucs qui existaient déjà. Alors, qui de l'œuf ou de la poule était là le premier ? J'en sais trop rien, mais toujours est-il que le générique du Petit Chef est également une chanson de Dorothée. Donc, on va se remémorer le générique du Petit Chef. Vas-y, Thomas. Le grand chef, ce sera toi. Eh oui, le petit chef Mista Agico. Et donc, parmi tout ça, il y a une chanson donc, de Dorothée qui s'appelle En Amérique et qui apparemment emploie vraiment le même truc. Hein. En Amérique, nanana, nanana, en Amérique, nanana, nanana. Donc voilà. Alors, on va essayer de la trouver hein, parce que je ne vais pas vous infliger le reste pendant ce temps-là. Et moi, pendant ce temps-là, alors normalement, il y a des extraits donc, de l'album. C'est l'album bleu, hein, donc c'est sur la face A. Et c'est la troisième chanson de la face A. Donc après, Qu'il est bête, qu'on connaît bien sûr, et les filles, voilà en Amérique. Alors. Et tout ira bien mieux. En Amérique, le ciel sera bleu. En Amérique. Nanana, en Amérique. Bon, après, ça change, mais le petit bout, là, en Amérique. Nanana, ça, c'est bien ça, par contre. Mais c'est souvent le cas. Hein. C'est pareil, Jaspion, ça reprenait une musique du 33 tours des Chevaliers du Zodiac aussi, pareil. Et il y a toujours des trucs comme ça chez AB. Et je voulais raconter aussi, il y a la Muscle Dance. C'est la même chose que Bouton d'Or aussi. Ah, mais il y en a plein de trucs comme ça. Enfin bon, on va pas s'attarder là-dessus. On aimerait bien écouter aussi un petit peu de bonne musique. Alors, je vais vous mettre maintenant Defender of the Earth. Les Défenseurs de la Terre, ça, c'était un dessin animé américain qui passait sur Feu la 5. Feu la 5. Donc, qui mélangeait un petit peu plusieurs personnages de comic strip américains. Commencé par Flash Gordon. Et aussi le Fantôme du Bengale et Mandrake. Et donc, tous étaient réunis. Et donc... en France, donc sur la 5, ils nous avaient mis la version instrumentale de la chanson américaine. Et bien sûr, en Amérique, il y avait des paroles dessus. Hein. Donc c'est ça que je vous propose d'écouter tout de suite. Defender of the Earth. Defenders of the Earth. Defenders. Out of the sky, his rockets ignite. Jets into battle, flying faster than light. Flash Gordon. Lord of the jungle, the hero who stalks. The beasts call him brother, the ghost to war. Defenders of the Earth! Defenders! Master of magic spells and illusion. Enemies crumble in fear and confusion. Mandrake! Defenders of the Earth! Defenders! His strength is a legend, his skills conquer all. Armed with his power, we never will fall. No fear! Defenders of the Earth! Defenders! With our new young heroes proving their worth. Four become eight, defending the Earth! Defenders of the Earth! Defenders! Defenders of the Earth! Earth. Defender of the Earth, les défenseurs de la Terre. Alors, vous pouvez trouver une sélection des meilleurs épisodes, je crois qu'il y en a 10 sur les 26 que vous avez essayé, en DVD, super pas cher, parce que c'est pas trop vendu, donc en général, ça finit dans les bacs à soldes des compagnies, donc vous pouvez trouver ça pour genre 5€ la box pour des épisodes, donc, ou même voire moins. Donc, c'est jouable, et c'est très sympathique. Hein, que c'est comment qu'il dit ? Je sais plus à qui c'est qu'il invoque le fantôme du Bengale pour avoir la force de 10 tigres. Alors moi j'aime bien parce que là, à l'époque je me disais bon, bah, un coup il a demandé la force de 10 tigres, un coup il demandera peut-être 10 éléphants ou j'en sais rien, mais non c'était toujours 10 tigres, c'était jamais autre chose. Alors j'étais un peu déçu, moi je disais ah bah ça serait bien que ça soit un peu autre chose. Et alors ce qui est marrant c'est que chacun des personnages, des héros a un sidekick. Donc je vous rappelle que sidekick c'est comme Robin pour Batman, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit gamin dans leurs pattes pour les faire chier, soi-disant pour que les adolescents s'identifient à eux. Moi je sais pas, mais personnellement je me suis jamais identifié à la petite merde qui traîne dans les pattes du super-héros. Hein. Moi je me dis que je suis le super-héros. Pareil, dans Capitaine Flamme, je me prends pas pour Ken. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Et donc t'as le fils de Flash Gordon, t'as l'apprenti Sin de Mandrake, et tu as le fils de Lothar aussi, qui lui-même était le sous-fifre de Mandrake, et aussi donc la fille du fantôme. Voilà, c'est un truc comme ça. Et alors, ce qui est amusant, c'est que Mandrake, à l'époque, vous savez, c'est des vieilles séries pulp, donc voilà, c'était un peu raciste et compagnie. Donc, Lothar, c'était un petit peu le Sakazulu, là, tu vois, le Zekazulu Banania, là, qui était avec Mandrake, c'était son esclave, tu vois, là, dis-donc. Et donc, bien sûr, dans Defender of the Earth, c'est un truc de 85, si je vous dis pas de bêtises, il a un statut égalitaire avec Mandrake, c'est pas son esclave, du coup, hein, forcément. Ça ferait jaser, sinon. Mais bon, c'est toujours intéressant d'être au courant de ce genre de petit histoire. Alors, autre chose, nous allons maintenant écouter les entrechats, mais attention, pas les entrechats Isidore, le citadin que vous avez l'habitude, mais non pas la face B, non, mais une autre chanson, c'est-à-dire qu'ils ont fait sur un autre disque. Et c'est cette autre chanson qui a été coverisée, si je puis dire, par Bernard Minet. Donc, les entrechats sont là. Et je crois qu'on va écouter. Bien sûr, c'est notre ami Noam Caniel qui chante, comme d'habitude, hein, comme pour la chanson normale. Donc, les entrechats sont là. Isidore, c'est un malin, un bon chat chez les humains. Et dehors, la peur des chiens, c'est un dur, c'est le parrain. Il frappe dans son décor de bric-à-brac et d'objets morts. N'a pas peur d'un corps à corps, c'est un fort, un matador. D'où les chiens sont. Chaque matin y a le laitier, le pauvre est persécuté. D'Isidore faut se cacher et Drifraf mieux s'éloigner. nos chats, c'est le paradis. Entre chats, le mot est dit. Rendez-vous à la poissonnerie. Isidore, il frappe à lier. C'est l'enfer du poissonnier. Faut qu'il lutte au pied à pied. Ou alors quitter le métier. À chalouper, yeah. Bon, vous vous rappelez qu'à l'époque, les entrechats, on les avait par tranche de 5 minutes à 19h55 sur la 3. Et bien sûr, le dimanche, il y avait l'épisode en entier. Hein. Alors, je vous rappelle bien sûr que les entrechats, c'est composé de deux histoires. D'un côté, tu as Heathcliff, donc Isidore, qui est en fait un héros de bande dessinée américaine. Donc, ils ont adapté pour la deuxième fois leur dessin animé. Il y avait déjà eu un dessin animé avec Isidore auparavant, mais qu'on ne connaît pas en France. Et les Cadillac Cats, c'est-à-dire Riff Raff, qui, eux, sont une production complètement française pour accoler donc, aux histoires d'Isidore. Et d'ailleurs, il y a eu quelques crossovers. De temps en temps, il y avait les Cadillac Cats qui intervenaient dans l'histoire d'Isidore. Par contre, Riff Raff et Isidore ensemble, ça, on n'avait jamais vu. On a vu les complices d'Isidore et Riff Raff avec Isidore, mais pas Isidore et Riff Raff en même temps. Ah oui. Alors, bien sûr, à l'époque, le dimanche soir, il n'y avait pas 50 milliards de trucs à la télé. Donc, on était un peu obligé de se taper ce qu'il y avait. Et parmi ceux-là, les plus anciens, dont les trentenaires et compagnie, là, ils ont dû se taper donc, une série, une sitcom française le dimanche soir qui s'appelait... Non, pas Maggie, quoi que vous l'aurez peut-être après si vous êtes sage, mais ça c'est plus connu. Peut-être que vous en rappelez moins bien, c'est les débuts d'Elise et Moon. Ah ouais. C'était vivement lundi. Voilà. Show. Nos secrets, nos coups de cœur, malheurs, chagrins, oubliés lundi. Eh oui, oui, ah, peut-être que ça vous a rappelé des souvenirs, tout ça. Hein. Eh oui, vivement lundi. Bah, on va dire que maintenant, vivement lundi, on va écouter Génération Manga. Ça peut être sympa, ça aussi. Mais bon, à l'époque, le lundi, ça voulait dire reprendre les cours. Alors ça fait plaisir à personne. Et puis, bien sûr, le truc qu'on s'est forcément infligé à l'époque, le dimanche soir, parce qu'il n'y avait vraiment rien d'autre sur les deux autres chaînes, c'était ça. Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge. Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe une soir en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, Maggie, Maggie, voilà Maggie. Elle rit, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Elle change de mari, elle change pas d'amis. Mais ce qu'elle aime, Maggie, c'est qu'on l'aime. Ou bonjour la scène. Elle aime les orages, mais pas les nuages. Superficielle et puis naturelle. Son climat, c'est l'arc-en-ciel. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y'a pas de mesure. Avec elle, y'a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle rit, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Y'a 20 ans qu'elle a eu 20 ans, mais faut pas croire. De temps en temps, elle prend le temps de jouer les stars. Quand elle nous fait son cinéma, on ne voit que ça. C'est toujours en technicolor, mais on l'adore. Maggie, Maggie, Maggie, voilà Maggie. Elle rit, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, mais c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. Voilà Maggie, non, non, non, la tendresse, non, non, la tristesse. Bon, on reste un peu dans le délire des sitcoms des années 80 françaises, ouais, je sais. Hein. Bon, les génériques peuvent être plus ou moins sympas, même si les séries sont évidemment irregardables. Hein, ça, je conseille à personne de s'infliger ça. Hein. Tout l'or du monde ne vaut pas ça. Hein. Donc, on va maintenant écouter notre ami Gérard Rinaldi, qui n'était autre que l'un des Charlots, bien entendu, et qui a fait aussi beaucoup de doublages. Il fait, par exemple, le premier capitaine dans la première saison de Babylon 5. On l'entend dans les Simpsons aussi, il fait pas mal de voix. Donc, le regretté Gérard Rinaldi, Marc et Sophie, forcément. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux, la compagnie. rendez-vous qui sonne, on écoute une chanson. Chacun fait ce qui lui plaît, du saxo, du yoga. Mais on joue en secret la scène du toi et moi. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui. Quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi. Amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Voilà, Marc et Sophie, hein. Eh ben, les disques sont super durs à trouver. À part celui de Maggie qu'on trouve à peu près. Vivement l'année de Marc et Sophie, je les ai même pas, c'est pour vous dire. Hein. Et tant, ça fait des années que je les cherche et en vain. Alors. Ça s'est pas trop vendu ces machins-là, faut croire, hein, ma foi. Hein. Bon, les génériques sont pas mal. Les séries sont à chier, hein, mais les génériques sont pas mal. Alors un autre générique qui est pas mal aussi, c'est quand on a essayé de faire un petit peu la Dallas à la française. Ça s'est vite fini mal cette histoire. Mais c'est sorti en DVD chez AB Productions, allez savoir. Donc si vous avez envie d'aimer ça, hein, ma foi. Bien sûr, le chanteur, lui, est très connu puisque c'est Herbert Léonard, Puissance et Gloire, la chanson de Château Vallon. Eh ben oui, c'est ça, les gars. Rêve éblouissant d'amoureux, monde mercenaire et ambitieux, tout se confond aveuglément dans la folie et dans le sang. Puissance et gloire dans d'un regard, l'aventure et la passion autour de Château Vallon. Puissance et gloire, étranger brûlant parcours, qui tôt ou tard finit sur un dernier mot d'amour. Portée par la tourmente, douce, romantique ou intrigante, nul ne sait rien de vos secrets, de vos désirs, de vos regrets. Puissance et gloire dans le trouble d'un regard, autour de Château Vallon. Puissance et gloire aux fantasmes éternels, sous la lumière illusoire d'un soleil artificiel. Puissance et gloire ça lui a coupé la chicnette, là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça peut arriver. Donc Herbert Léonard, alors, sachez que il fut un temps jadis de naguère, il s'est essayé à faire des reprises, parce que comme il était le générique, le chanteur original du générique du Château Vallon, il s'est dit qu'il allait reprendre d'autres génériques. Donc il y a un CD qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Génériquement Vôtre, et dans lequel Herbert Léonard, bon, chante bien sûr Château Vallon, mais chante aussi Les Filles du Lido, L'Amour en Héritage, Navarro, Terre Indigo, Les Cœurs Brûlés, Les Grandes Marées, Nestor Burma, Les Feux de l'Amour, Sandra Princesse Ravel et Villa Velray. Alors je veux dire, il y a même des trucs que je connais pas là-dessus. Hein. Donc moi, j'ai pas encore ce CD parce que j'espérais éventuellement tomber dessus en brocante, mais ça ne m'est jamais arrivé. Donc je pense que je vais peut-être me le chercher sur le net ou compagnie, hein, parce que je suis un petit peu curieux d'écouter ce que ça peut donner, toutes ces petites choses. Surtout pour entendre, par exemple, des mots sur Les Feux de l'Amour, par exemple, ça peut être bizarre. Donc... affaire à suivre, bien entendu, si j'ai ça, je vous en ferai profiter, hein, ou pas, c'est vous qui voyez. Et puis, alors, bien entendu, je ne pouvais pas terminer ce tour d'horizon des génériques de séries de merde, hein, sans parler, bien sûr, de la série et du générique souverain, dans ce cas-là, bien entendu, ça, c'est le truc inévitable, j'ai envie de dire. Oui, vous savez ce que c'est. Oui. Alors, je vais vous la faire courte parce que voilà, j'ai pitié de vous. Je vous fais juste la version télé, hein, parce que on va peut-être passer à des génériques un petit peu plus, un peu plus mieux bien. Mais sachez néanmoins que Bernard Minet fait une cover de cette chanson. Je vous l'ai déjà passé d'ailleurs. Allez, c'est parti. Je ne dis plus rien. Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Oui, mais c'est plus fort que toi. Bien sûr, vous vous rappelez tous de la parodie des Inconnus. Ça te barbera. Eh oui, bien entendu, ouais, les trucs comme ça. Alors, on reste dans le truc des génériques, parce qu'on est comme ça. Mais quelque chose d'un petit peu mieux, parce que c'est quand même une série qu'on a eue dans Croque Vacances. Et qui était quand même beaucoup plus digeste que tout ce que je viens de vous passer jusqu'alors. C'est Matt et Jenny, interprété par Isabelle Peruzza. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Isabelle Peruzza a eu une carrière en disque en dehors de ça, en dehors de Matt et Jenny. Alors, bien sûr, les disques sont super rares. Moi-même, j'en ai trouvé qu'un seul pour l'instant, mais il y en a plusieurs. Si vous voulez vous intéresser un petit peu au personnage, je vous conseille d'aller sur Aussi Beau. Donc, c'est notre ami Arnaud Magnier qui fait un site sur tout ce qui est île aux enfants et toutes ces sortes de choses. Et donc, il nous a fait un petit topo sur Isabelle Peruzza qui est très intéressant et qui permet d'écouter des extraits de sa voxographie, de sa discographie, toutes ces sortes de choses. Mais en attendant, le seul et l'unique... Matt et Jenny, dont on peut trouver bien sûr le reflet du 33 tours qui était sorti à l'époque en France. On a eu un 33 tours chez nos amis de Télé 80. Voilà, donc Matt et Jenny. Choisissons notre vie. On a traversé bien. les dangers tu les dépasses. Garde le soleil dans les yeux aussi loin que tu peux et vis la loi que tu veux. Tu ne parleras jamais, garde bien le secret et tu n'auras peur de rien. Traversé bien des orages, Matt et Jenny. Matt et Jenny. Allez, un peu plus d'actu, là peut-être que tout ça, ça vous parle pas, mais si vous avez les chaînes actuellement, il y a des rediffusions de vieilles séries. Et celle-là, elle repasse en ce moment, donc vous n'avez pas d'excuses pour pas la savoir. Et elle est passée il n'y a pas longtemps aussi sur D8, donc voilà. Et c'est bien sûr très connu, puisque c'est Jonathan et Jennifer Hart, pour l'amour du risque. L'amour du risque, Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. L'amour du risque, c'est vraiment leur grande affaire. Faire la vie du gros gangster. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, jouent leurs atouts et sont les rois de toute la belle société. Jonathan Hart, oh, Jennifer Hart, les risques tout de la justice et de l'amour. L'amour pour mieux risquer, le risque pour s'aimer. L'amour du risque, c'est la passion sans livre, la mort, le feu de l'éclair. L'amour du risque, c'est le danger sans limite que cherchent les deux milliardaires. Jonathan Hart, wow, Jennifer Hart, jouent leur va-tout loin des soirées de toute la belle société. Jonathan Hart, wow, Jennifer Hart, ça s'envoie toujours du bois grâce à notre ami Lionel Leroy. Elle a une autre chanson qui est bien sympa, que j'aime particulièrement. C'est le spin-off de Dallas, ça s'appelle Côte Ouest et c'est interprété par le chanteur de Power Ranger. Eh oui, c'est parti. magnifiques, les vagues défilent le temps. Côte ouest, ton paysage magique s'efface dans l'océan. Côte ouest, la vie passe, pleine de songes et d'illusions. Côte ouest, des palaces, la brique mensonge et passion. La mer en contre-champ. Côte ouest, entre le calme et l'orage, les drames sont des volcans. Songes et d'illusions. Côte ouest, des palaces, la brique mensonge et passion. Côte ouest, comme un roman sur la plage, les drames sont des tourments. Côte ouest, pour toi le vent tourne les pages d'intrigue et de serments. Bien sûr, quand on parle un peu de tous ces génériques de séries live, la première générique, la première série qui vous vient à l'esprit, qui a fait les bonheurs des dimanches après-midi de TF1, c'est celle-là. C'est celle-là. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Deux flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Quand les bandits sont tous en cavale, en voiture c'est poursuite infernale. Mais Huggy sait où ils sont cachés pour les arrêter. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. De flics un peu rêveurs et rieurs, mais qui gagnent toujours à la fin. Starsky et Hutch. Starsky et Hutch. Des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Quand il y a une vie entre les deux, ils acceptent les règles du jeu. Mais rien ne pourra jamais briser une telle amitié. Starsky Starski e Hutch, Starski et Hutch, des nouveaux chevaliers au grand cœur, mais qui n'ont jamais peur de rien. Starski et Hutch, Starski et Hutch, te fais qu'un peu rêveur et rieur, mais qui gagne toujours à la fin. Starski et Hutch. Toujours par notre ami Lionel Leroy, Yves Martin de son vrai nom, et ce n'est autre que l'époux de Sheila. Et oui, oui. Donc c'est Claude Valois qui chantait Côte Ouest, hein, son nom m'échappait sur le moment tout à l'heure. Ah oui, bien sûr. Et nous avons maintenant notre ami Chucky Lévy. Chucky Lévy qui a composé les magnifiques musiques des Mystérieuses Cités d'Or. Il a aussi chanté un générique. Ce générique, vous le connaissez, c'est celui-là qui va démarrer dès que je l'aurai retrouvé. C'est celui-là. L'agence touriste, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Les mauvais coups, les truands, l'agence les règle au comptant. Si la justice vous attend, l'agence touriste, la grande tournant. Pour la victime, aux abois, tout à coup elle surgira. Dans les dangers, ses rois du sang-froid, ses voyageurs, son visa, ont livré le bon combat. Les quatre copains, des soldats du bien, mais ceux qui ne les connaissent pas. Nanana. Eh oui, l'agence Tourisque. C'est, vous savez qu'il y a eu un film, hein, messieurs, de l'agence Tourisque, et qui est pas trop mal. Donc, si jamais vous l'avez pas vu, je vous le conseille, vous pouvez y aller. Il est sympa, le film. Hein. On apprend pourquoi Barracuda a peur des avions. Et il a une sacrée bonne raison. Hein. Non, je trouve toujours que c'est sympa là, quand on fait des trucs comme ça. C'est pas le cas de tout. Hein. Par exemple, le film de Starsky Hutch, c'est une catastrophe. Donc celui-là, on va laisser tomber, hein, une bonne fois pour toutes. Alors, il y a un générique que j'aime particulièrement. Bah, bien sûr, les gens s'en rappellent pas forcément parce que c'est une série oubliée qui a pas été rediffusé depuis belle lurette, mais c'est notre ami Jacques Cardona qui était bien sûr le chanteur des Cités d'Or et de Ulysse Revient qui interprétait ce fabuleux générique dont on va écouter la version courte parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. C'est Franck Chasseur de Fauve. L'aventure était belle en Asie. Franck Chasseur de Fauves que je vous conseille ardemment parce que c'est vachement bien, Franck Chasseur de Fauves. Bon, bien sûr, ça va être difficile de le trouver. Il n'y a pas de DVD, il n'y a pas de machin. Ça va être très dur de le trouver, je vous le cache pas. Donc, je vais pas essayer de vous endormir. Voilà, de ce côté-là, ça va être un petit peu galère. Mais bon. Alors, est-ce que j'ai de disponible un truc que je voudrais vous passer ? Bien entendu, quand je cherche quelque chose, je le trouve pas. Ça, c'est un grand classique. Donc, pour ça, c'est mort. On va mettre autre chose, alors. on va se quitter, donc, avec une autre chanson. Non, on va pas faire ça, parce que je ne suis pas sûr de laquelle c'est. On va se quitter avec Tara Duncan. Voilà, ça, au moins, c'est bien. Ça envoie du bois. On sait que ça y va. Ça envoie du lourd, hein. Donc, Tara Duncan, vous savez, c'est un dessin animé récent qui surfe un peu sur la vague d'Harry Potter, bien que les romans aient été faits avant. Et on va se quitter donc avec cette chanson-là, Sorcelière, donc de Tara Duncan. Et on se retrouve la semaine prochaine, et ça sera pas à la Snarf Digo, voilà. Une sorcière.